Chapitre 10e, une découverte importante. Pendant que les femmes étaient au marché, les hommes mirent à exécution la décision, prise la veille, de faire revenir Jeanne Larieux sur son témoignage. Tout en travaillant chacun dans son atelier, Corentin et Anicet guettaient le retour de la femme qui, le matin, faisait des ménages chez les bourgeois de la rue Bellegarde. Vers 10h30, elle revint enfin, un panier à la main. Anicet, le faitout en terre sous un bras, une bouteille sous l'autre, courut chercher Hyacinthe. Ce dernier avait une mine de 15 pans, tant la fréquentation de Jeanne Larieux lui coûtait. Jetant un coup d'œil dans la rue Saint-Laurent, Anicet s'aperçut que beaucoup de monde y circulait. « Il se passe quelque chose à la maison de communauté ? » demanda-t-il à Hyacinthe. « Non, je ne crois pas. C'est simplement qu'il y a plus de monde que d'habitude dans Aix. » Ils se dirigèrent directement chez la mère Larieux. Ils l'aperçurent par le carreau, le dos tourné vers la fenêtre. « Tiens, » dit Anicet, « profitons-en. » Il déposa le faitout sur le rebord de la croisée, puis toqua à la vitre. Jeanne se tourna et aperçut les deux silhouettes. Elle s'approcha et ouvrit la fenêtre. Les deux hommes remarquèrent alors qu'elle avait fait un effort pour s'arranger un peu. C'était 3 fois rien, une coiffure mieux disciplinée, une blouse plus saillante et surtout une cocarde de très grande dimension qui ressemblait à un petit bouquet ornemental. « Bonjour Jeanne, ça va ce matin ?» s'enquit Anicet dans un sourire. Jeanne ne répondit pas et les regarda tous deux d'un œil un peu morne. « T'es, fais attention Jeanne, tu vas faire tomber ton faitout. Tu ne devrais pas le laisser sur la fenêtre, on va te le voler. » « Bigre, ça fait un moment que je le cherche partout !» s'écria Jeanne en saisissant le faitout. « Alors il était là ?»« Je ne m'en souvenais pas. »« L'important, c'est de le récupérer, pas vrai ?»« On peut te parler un moment, Jeanne, histoire de boire un coup ?» déclara Anicet en montrant sa bouteille. L'œil de Jeanne brilla soudain d'un petit éclat. « Entrez, entrez » dit-elle, soudain intéressée. Anicet poussa Hyacinthe, qui pénétra le premier dans les deux pièces du logement. Il ne savait quelle contenance prendre auprès de cette femme, qui, il se l'avouait, lui faisait un peu peur. D'abord, nous allons boire un coup à notre santé à tous, déclara Hyacinthe, et ensuite, je te dirai de quoi je veux te parler. Jeanne sortit 3 petits verres en terre cuite et Hyacinthe y versa le marc qu'Anicet avait apporté. La première gorge avalée, il fit claquer sa langue sur le palais. Capon de Dieu, il est bon, hein ? Fameux, répondit Jeanne en finissant son godet. Tu lui permets qu'on s'asseye ? Demanda Hyacinthe. Oui, prenez place. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, Hyacinthe? Tu vas me demander en mariage? Plaisanta-t-elle. Non, bredouilla Hyacinthe, tandis qu'Anicet murmurait. Pas encore, pas encore. Hyacinthe joignit ses mains comme pour une prière. Voilà, Jeanne, c'est au sujet de ce que tu as raconté dans la rue à propos des gens dans la cave et des écus de Larieux. Ce que tu as raconté, ça a mis le quartier en ébullition, surtout que ça compromet gravement Corentin. Alors qu'il est complètement étranger à cette affaire. Les gardes l'ont arrêté, c'était -5 qu'on ne le pende. Ah bon? Pas possible. Mais je n'ai jamais dit que c'était Corentin qui avait mis des gens dans sa cave. Peut-être qu'il ne le savait pas, c'est vrai. Mais en tout cas, je leur avais fait de la soupe, ça, j'en suis sûr. C'est Larieux qui me l'avait demandé. Mais ces gens, reprit Hyacinthe, tu les as vus? Que non. Tu les as entendus? Eh non. Mais qu'est-ce que ça change? « Ça change beaucoup, ma belle. Ça change que si tu n'as vu ni entendu ces gens, c'est qu'il n'y était peut-être pas. Qui t'a dit qu'il y en avait ?»« Personne, » reconnut Jeanne. « Mais Larieux m'a demandé de la soupe, et quand il est sorti avec le faitout, il est revenu presque de suite. Où tu voulais qu'il aille avec cette gamelle aussi rapidement ?»« Je me suis pensé qu'il avait été dans la cave. Comme ce n'est pas son habitude d'aller manger sa soupe en bas, tu comprends, j'ai supposé qu'il la portait à quelqu'un. »« Ouais, je comprends que tu as tout imaginé. » Et qu'à cause de ça, Corentin risque d'être pendu. Pécaire, Corentin, que Dieu garde, mais je n'ai pas menti. Non, tu n'as pas menti, Jeanne. Tu as tout simplement imaginé la vérité. Et tout le monde a cru à ton histoire. C'est grave, Jeanne, très grave. Tiens, rebois un coup. Ce disant, Hyacinthe remplit à nouveau les verres. Il se prenait à son propre jeu et commença à y prendre goût. Il laissa quelque temps à Jeanne pour apprécier l'alcool, puis reprit le cours de sa démarche. « Et pourquoi tu as dit qu'on avait volé ton mari ?»« Ah ça ?» s'offusqua Jeanne. « Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas imaginé, comme tu dis. Je les ai vus, les louis. Larieux m'a montré une bourse. Il a fait sonner les pièces qu'elle contenait et m'a dit « Femme, nous allons être à l'aise pendant quelque temps. »« Oh, je sais. Tu vas me dire que je n'ai pas vu les pièces, mais tu reconnaîtras quand même que s'il a dit ça, c'est qu'il avait de l'argent. » Jeanne était peut-être un peu limitée, mais elle n'était pas folle. Hyacinthe et Anicet durent intérieurement reconnaître qu'il y avait effectivement eu un pactole. « Bon, ne te mets pas en colère, Jeanne. Mais là encore, tu as déduit que, puisqu'il avait une bourse, il l'avait gardée sur lui. Or, rien ne te dit qu'il l'avait dans ses poches quand il a été assassiné. Et encore une fois, à cause de ce que tu as raconté, Corentin s'est fait accuser de vol. Hyacinthe et Anicet ne pouvaient bien évidemment pas révéler à Jeanne que les poches de son mari étaient vides. Mais bien sûr qu'il avait la bourse, et on la lui a volée, puisqu'elle n'était plus dans ses poches, se récria Jeanne. Et s'il l'avait cachée ici, dans une cachette que tu ne connais pas? Tu sais, Larieux était un gars prudent qui vivait pourtant dangereusement. Ça m'étonnerait qu'il se soit baladé avec une petite fortune sur lui. Tu as cherché au moins? Intervint Anicet. Jeanne fut soudain embarrassée. « Ben non, j'y ai pas pensé, avoua-t-elle. « Eh bien, viens, nous allons chercher, » déclara Anicet en se levant. Jeanne fut un peu déstabilisée. Elle aurait préféré chercher seule, mais devant l'insistance des deux hommes, elle se résigna à leur obéir, en espérant qu'aucun des deux n'oserait la voler. Pendant que Jeanne et Hyacinthe retournaient le matelas et le sommier, Anicet se concentra sur les cachettes traditionnelles. Pas la peine de financer, autant commencer par du traditionnel. Il observa attentivement les dalles qui composaient la solde de l'âtre. L'une d'elles possédait des joints, qui paraissaient moins pleins que les autres. Muni d'un couteau, il se mit en devoir de la desceller, et pour ne pas être accusé d'avoir simulé une fausse découverte, il appela les autres. Il leur montra la dalle et commença à taquer le joint avec le couteau. Jeanne haletait de convoitise, pleine d'espoir, les mains nouées, tandis qu'Anicet soulevait la dalle. Elle poussa un cri quand, du trou pratiqué dessous, Anicet sortit une petite bourse de cuir bien rebondie. La voilà, la bourse de Larieux !» s'écria Anicet en lui donnant l'objet que Jeanne, tel un faucon, saisit avidement. Elle défit aussitôt le lacet et fit glisser les écus sur la table. Il en avait 16, ce qui faisait une 60aine de livres, de quoi se payer du mar, de la viande et plein de bonnes choses pour un moment. « Eh bien, tu vois, ce n'est pas Corentin qui a volé ton mari. D'ailleurs, personne ne l'avait volé, » gronda Hyacinthe en secouant le bras de Jeanne. « Que comptes-tu faire maintenant pour attraper tes bourdes ?» Les deux compères étaient bien heureux que l'affaire se fût aussi bien déroulée. Restait maintenant à l'exploiter comme il fallait. La première surprise passée, Jeanne était un peu comme la poule qui a trouvé un couteau. Que faire? Elle tourna en rond pour trouver une inspiration. Les deux amis ne lui laissèrent pas le temps de réfléchir. « Écoute, Jeanne, » dit Anicet, « tu vas aller trouver le commandant de la garde et lui dire que ton mari n'a pas été volé, que tu as retrouvé sa bourse cachée chez toi. Montre-la lui avec seulement 2 ou 3 écus au cas où il te la confisquerait. »« Ah mais non !» gémit Jeanne. « S'il te les prend, je te les rembourserai, moi, les 3 écus, t'inquiète. » Et puis, continua Hyacinthe, « tu lui diras que tu as supposé qu'il y avait des gens dans la cave, mais que tu ne les as jamais vus. Tu avoueras que tu avais un peu bu et que tu racontais un peu n'importe quoi. Mais ils vont m'arrêter !» se récria Jeanne. « Ça, tu vas te faire engueuler, c'est sûr, mais ils ne t'arrêteront peut-être pas, » précisa Hyacinthe. « Et puis, s'ils t'arrêtent, on viendra te délivrer comme on a délivré Corentin. » « On n'emprisonne pas une femme qui ose dire la vérité, pas vrai, Hyacinthe ?» affirma Anicet. « Ben, c'est sûr. Tiens, bois un coup, Jeanne, tu l'as bien mérité. Tu es une bonne fille. Et cache bien ta bourse, pas au même endroit, surtout. »« Je te laisse la bouteille, Jeanne, » déclara Anicet. « Mais maintenant que tu es riche, ce n'est pas le moment de te saouler. N'oublie pas tes promesses. » Emportée par ses bonnes résolutions, Jeanne leur claqua une bise à chacun, en guise d'adieu.